Le fil d'or, légende roumaine, par Carmen Silva. Il y a longtemps de cela, depuis que les ours se battaient avec leur queue, depuis que les agneaux s'embrassaient avec les loups comme des frères, depuis que la mouche écrivait sur le mur que plus menteur est celui qui ne croit pas, depuis vivait dans les montagnes Carpates, sur un rocher escarpé, une vieille sorcière appelée Baba Goaya. Baba veut dire en roumain « vieille », « Goaya », « écorce », car son visage était ridé comme l'écorce d'un vieux chêne. Personne ne savait dire ni son âge, ni d'où elle venait. On disait qu'elle était très riche et qu'elle filait le fil d'or, appelé en roumain « Beteala », que les jeunes filles doivent mettre sur la tête le jour de leur mariage, si elles ne veulent pas rester veuves. La vieille avait sous ses ordres des centaines de nains qui exploraient ses domaines souterrains. Elle lui apportait l'or qu'elle filait. L'or que chaque nain apportait était pesé, et malheur à celui qui ne remplissait pas la mesure convenue. Elle filait dans une tour qui dominait la montagne, et les hommes de la vallée qui voyaient la lumière briller toute la nuit disaient « Elle file toujours ». Elle filait nuit et jour, car elle devait tordre le fil d'or pour plusieurs centaines d'années et pour des milliers de mariés. Baba Goaya avait une fille d'une grande beauté nommée Alba, car son visage était aussi blanc que la neige qui couvrait, presque toute l'année, les environs de sa forteresse. Elle ne quittait jamais la maison, et sa mère lui donnait un rude travail. C'est elle qui préparait les échevaux pour le rouet. Mais ce qui désolait la belle enfant, c'était les vœux que la vieille faisait pour les jeunes mariés que devait parer ce fil d'or. Tout en filant, la Baba Goaya disait « Ton mari te rendra malheureuse. Tu ne connaîtras jamais la paix dans ton ménage. Tourne, tourne, mon rouet. Tu pleureras, ma belle. Tu l'aimeras, il ne t'aimera pas. C'est la vie. Tu n'auras pas d'enfant pour soulager ta peine. Tourne, tourne, mon rouet, tu vivras longtemps. Tu ne connaîtras pas le bonheur. » Une autre fois, elle disait, « Oui, tu es belle pour ton malheur. Ton mari sera malade. Tu le soigneras pour le déposer en terre. Tu auras des enfants pour prolonger ta souffrance. Tourne, tourne, mon rouet. Ils seront ingrats, méchants. Tu ne seras pas heureuse. Tourne, tourne, mon rouet. » Et Baba Goaya continuait ses chansons de malheur à chaque nouvel écheveau. Elle voulait que chaque vierge, en se mariant, eût sa part de souffrance dans la vie. Alba, qui n'avait aucune connaissance de la vie, ne comprenait pas trop ces choses. Mais quand même, elle était triste en pensant que dans le monde, on ne trouvait que des femmes malheureuses. Elle n'avait pas la permission de filer. Mais un jour que sa mère était occupée avec les nains, elle s'assit au vieux rouet, et en tournant la roue, elle disait « Sois heureuse, toi qui porteras ce fil d'or. Sois heureuse toute ta vie. Aie un bon mari, de bons enfants. Sois heureuse. » Et tout en tournant la roue, elle murmurait « Heureuse, heureuse. » La vieille sorcière, entendant le bruit de son rouet, vint dans la tour. Elle entendit les vœux de la jeune fille et fut si furieuse qu'elle jeta l'écheveau filé par Alba parmi les autres en criant « Tu ne te marieras pas avant d'avoir trouvé cet écheveau, autrement tu seras malheureuse. » Alba ne se donna pas la peine de le chercher. Elle voulait que les autres jeunes filles fussent heureuses. Elle ne pensait pas à elle. Baba Goaya était inquiète au sujet d'Alba, car elle aimait beaucoup sa fille. En pensant qu'on pourrait la lui enlever, elle la tenait enfermée pour que personne ne pût la voir. Elle lui donnait de beaux habits, des pierres précieuses. Elle l'entourait d'objets rares que les nains lui rapportaient, pensant que la jeune fille n'aurait plus rien à souhaiter. Mais Alba n'était pas heureuse. Elle souffrait de son emprisonnement. La nuit, pendant que sa mère filait, elle restait en face du feu, et elle réfléchissait aux choses qu'elle ne pouvait pas comprendre. Assez souvent, elle s'endormait sans pouvoir éclaircir ces choses trop difficiles pour son ignorance de la vie. Quelquefois, pendant le jour, quand sa mère était occupée, elle allait dans la chambre où étaient entassés les fils d'or, et en caressant les écheveaux filés, elle leur racontait sa douleur, pensant les consoler du malheur qu'ils m'ont causé. Un jour, elle dit à la vieille Goaya, « Dis-moi, mère, est-ce que les hommes sont tous pareils à toi et à moi? Pensent-ils aussi comme toi ?» La vieille tressaillit. « Ne t'occupe pas des hommes, ils sont méchants. Si tu allais parmi eux, ils te rendraient malheureuse. » « Mais, » poursuit la belle jeune fille, « il y a quelques jours, j'ai vu, montant la colline, un animal bien joli, qui ne ressemblait pas aux moutons, et sur lequel était assis un cavalier beaucoup plus joli que les nains. Était-il aussi un homme ?» « Malheur à cet homme !» crie la vieille. « Je lui tordrai le cou s'il monte encore la colline. Ceux de la vallée ne le verront plus retourner. Oh non, mère, tu ne lui feras pas de mal, il est si beau. Si tu penses encore à lui, je t'enfermerai dans les caves pour peser l'or nuit et jour. Depuis quelque temps, tu n'es plus la même. Qu'as-tu? N'as-tu pas tout ce que ton cœur souhaite? Non, mère. Je voudrais avoir un animal pareil à celui que j'ai vu. Je vais monter dessus et me promener pour voir l'herbe, les fleurs, les arbres. Tête folle et imprudente. Tu vas avoir un cheval et te promener, mais ce sera ta mort. Le cheval ne peut marcher à la montagne. Ne vois-tu pas les précipices? Allons, ne pense plus à cela. Va préparer des écheveaux. Alba ne demanda plus rien. Mais seule, elle se creusait la tête afin de savoir pourquoi les chevaux ne peuvent pas aller dans la montagne, puisque les moutons y vont bien. Pourquoi les nains sont laids, petits, avec une grande barbe, et pourquoi le jeune cavalier était si grand, si beau, avec de longs cheveux. Elle aurait voulu savoir encore pourquoi sa mère voulait tuer ce beau jeune homme courageux, qui risquait sa vie en voulant monter la montagne sur son cheval. Pendant que la petite Alba, qui n'avait que 16 ans, pensait à ces choses, le beau jeune homme de la vallée venait souvent en bas de la montagne. Il voulait savoir qui habitait la vieille forteresse en pierre, et il cherchait un sentier pour y monter. Ce jeune homme était un roi, renommé par son courage, et qui s'appelait Mircea. Un jour, Alba, après avoir fait sa toilette, se décida à se regarder dans un miroir cerclé d'or que sa mère lui avait donné. Elle ne savait pas s'il était belle, car elle n'avait jamais vu d'autre jeune fille. Mais en se regardant dans la glace, elle se crut laide, et pensa que c'était pour cela que sa mère la tenait enfermée. Ce jour-là, elle était habillée d'une robe blanche, soutenue par une grande ceinture en or. Sur les épaules, elle avait une mantille en velours vert foncé, retenue par des chaînes en perles fines. Ses cheveux d'or partagés en deux bandeaux sur son front flottaient libres sur la mantille de velours. Son cou frêle et blanc était entouré de grosses émeraudes, un cadeau des nains. Elle était si gracieuse, si belle avec ses cheveux fins dorés, qu'elle paraissait une fée et non une mortelle. Elle était encore à se demander s'il était belle ou laide, quand elle entendit les sabots du cheval, et elle aperçut le jeune roi qui montait lentement la montagne. Alors elle ne pensa plus qu'à sauver le beau cavalier. Agile comme une biche, avec sa mantille et ses cheveux flottants, elle commença à descendre la montagne en criant « Ne monte pas, ne monte pas, on veut te tuer !» Le jeune roi, entendant crier, s'était arrêté, et il se demandait quelle fée, quelle apparition de la montagne venait vers lui. La jeune fille marchait si vite avec ses petits pieds chaussés de sandales qu'on aura dit qu'elle ne touchait pas la terre. « Ne monte pas par ici, retourne vite si tu ne veux pas mourir. »« Et si je te disais que maintenant la mort m'est égale ?» répondit le fils du roi. « Je peux mourir, car je suis un homme heureux. J'ai vu la plus belle jeune fille du monde. » Une légère rougeur colora les joues veloutées de la charmante enfant, et naïvement elle demanda « Est-ce que je suis belle ?»« si belle avec tes cheveux d'or, que je t'aime dès cet instant comme un fou. »« Moi aussi je t'aime, » dit la jeune fille innocente, car elle ne savait pas que parmi les hommes, on ne doit pas dire ce qu'on pense. « Mais ne dis pas que mes cheveux sont en or, l'or est si vilain. »« Vilain ?» dit le jeune roi en souriant. « Je n'ai jamais entendu dire cela. As-tu vu dans ta vie tant d'or que tu en es dégoûté ?»« Sûrement, je ne vois que de l'or. À la place des herbes, de l'or. À la place des fleurs, de l'or. À la place des hommes, de l'or et toujours de l'or. »« Ah, le beau cheval !» poursuivit-elle. « Comme je voudrais monter dessus. » Je n'ai jamais vu un cheval. Est-ce que je peux mettre la main sur lui? Mais oui, tu peux le caresser. Si tu veux, tu peux monter près de moi, et tu peux aller à cheval tant que tu voudras. » Il l'aida à monter en face de lui et le partir. Mircea crut que la belle jeune fille aurait peur. Mais la jeune innocente ne savait pas ce qu'était le danger. Quand ils furent dans la vallée, elle fut éblouie par la beauté de la nature, et heureuse, riant, elle disait « Allons plus loin ». Ainsi ils arrivèrent dans la ville. Ici Alba commença à s'inquiéter de ce qu'elle voyait, car tout était nouveau pour elle. « Tout cela sont-ils des hommes ?» disait-elle en traversant la ville. « Et ces maisons, le vent ne les démolit pas ?»« Non, » répondait Mircea, amusée. « Ici le vent ne souffle pas si fort qu'en haut sur la montagne. » Les sujets du roi, en le saluant, regardaient, émerveillés, la belle jeune fille qui se trouvait avec lui. Le roi leur dit « Mes braves gens, « regardez votre reine, je l'ai cueillie comme une fleur en haut des montagnes. »« Mais je ne suis pas reine, » dit Alba effrayée. « Je suis roi, et puisque tu seras ma femme, tu seras reine. »« Ta femme ? Ma mère m'a dit que je ne marierais jamais. Elle plaisantait, car elle savait que tu étais ma fiancée. Mais tu n'es pas méchant. Non, je ne suis pas méchant. Ainsi, tu n'es pas un homme. Si, je suis un homme. Mais ma mère a dit que tous les hommes sont méchants et que je ne dois pas me mêler à eux. Qui donc est ta mère? Je ne sais pas. Elle file de l'or. Elle file de l'or? Et pourquoi? Pour les mariés. À mon mariage, je ne veux pas de fil d'or. Et en disant cela, elle mit les mains sur la tête, comme si un malheur allait s'abattre sur elle. Ce sera difficile, ma chère enfant. Ne sais-tu pas que toute jeune fille doit mettre le jour de son mariage le fil d'or? Mais nous voilà arrivés, dit le jeune homme. Tu verras ma mère. Tu lui causeras avec amour, car elle est très bonne. Est-elle vieille et laide? Non, dit Mircea en souriant. Elle est très belle. Comme ils étaient dans la cour du palais, ils descendirent de cheval, et Mircea, donnant la main à Alba, ils montèrent les marches de l'escalier. Ils furent bientôt dans une grande salle où se trouvait la reine-mère, belle et majestueuse. Elle avait une quenouille en soie jaune et un fuseau, et elle filait. Une vingtaine de jeunes filles étaient autour d'elle, et toutes filaient. « Regarde, ma mère, dit le jeune roi, je t'amène ta fille, ma fiancée bien-aimée. Je l'ai trouvée près du ciel. J'ai peur même qu'elle n'habite le ciel et qu'elle n'y vole de chez nous. » Alba, qui n'avait jamais vu d'autre femme que la vieille Coalia, en voyant la reine-mère si belle, se précipita à ses genoux en s'écriant « Que tu es belle, que tu es belle !» La reine-mère, Oltea, la releva avec bonté et l'embrassa sur le front. « Ah, tu files aussi, dit la jeune fille en apercevant le fuseau. « Mais comme c'est joli ce que tu files, c'est doux comme les flocons de neige. » « Et que file ta mère ?»« Ah, elle ne file que de l'or, c'est dur et vilain. »« De l'or ?» dit-elle à la fois toute l'assistance. Les jeunes filles eurent des sourires incrédules, et la reine-mère demanda « Et toi, mon enfant, sais-tu filer l'or ?»« Sûrement que je sais, mais je n'ai pas la permission de filer. »« Pourquoi pas ?» Alba ouvrit la bouche pour dire ce que sa mère chantait en filant, mais elle se tut. Par instinct, elle sut que ce serait rendre la vie amère à ces jeunes filles qui attendaient leur mariage, et elle ne dit rien. Mais les jeunes filles ne la laissèrent pas longtemps silencieuse. Elles lui dirent « Que tu es belle, que tes habits sont beaux. » Oh, les belles perles, les grosses émeraudes, qui t'a donné ces bijoux? Mes amis, les nains, qui travaillent chez ma mère. Mais les voulez-vous? Prenez-les, j'en ai encore chez moi. Elle défit son collier en émeraude et partagea les pierres. La reine-mère dut l'empêcher de donner ses colliers en perles. Ta mère est-elle si riche? Demanda la reine. Je ne sais pas ce que c'est que d'être riche, mais elle a des caves et des chambres remplies d'or et de pierres précieuses. Et chaque jour, les nains lui en rapportent encore. La reine-mère prit son fils à part et lui dit « Mon fils, cette merveilleuse enfant ne peut être que la fille de la vieille sorcière Baba Koyaya. Sois prudent. Ramène-la à sa mère. » « Jamais, ma mère, je ne ferai cette chose. J'aime cette belle innocente et je veux l'épouser. » La reine poussa un gros soupir et ne dit plus rien. Elle décida de faire le mariage le lendemain. « Comment t'appelles-tu, ma douce enfant ? » dit la reine-mère. « Ma mère et les nains m'appellent Alba. »« Alba, oui, le nom te va bien. Tu es blanche comme la neige et ton âme est blanche aussi, comme le cœur des anges. Sois la bienvenue parmi nous et sois heureuse. » Le lendemain, la reine-mère habilla seule la jeune mariée. Mais quand elle voulut lui mettre le fil d'or comme à toutes les mariées, la jeune fille s'enfuit comme une biche effrayée, ne voulant pas se le laisser mettre. Épuisée par ses pleurs, ses courses, affolée, la pauvrette tomba à genoux en face de la reine pour l'implorer de l'épargner de ce malheur. La reine profita de cette pause pour lui tenir les mains et lui mettre le fil d'or. Quand la petite Alba sentit le fil d'or sur sa tête, elle comprit qu'elle ne serait pas heureuse et elle se soumit à son sort. Elle baissa la tête et devint pâle comme une morte. Ses yeux se voilèrent de larmes et elle dit d'une voix détachée à la reine « Tu es plus méchante pour moi que ma mère. Elle ne voulait pas me marier pour que je ne sois pas malheureuse. « Toi, tu appelais seul le malheur sur moi. » On ne comprit pas le sens de ces paroles, mais Alba, dès cet instant, fut changée. Elle ne parlait plus, elle ne souriait plus. En vain, Mircea voulait égayer par son amour sa tristesse. À la cour, on ne parlait que des riches joyaux de la reine, et les sujets du roi étaient étonnés de ce que Mircea n'allait pas les chercher. Le jeune roi décida de se rendre chez la vieille, non pas tant pour ses richesses que pour causer de la tristesse d'Alba. Un jour, de grand matin, elle quitta le palais accompagnée de quelques fidèles. La vieille le vit de loin et elle décida de se venger. Elle prit plusieurs sacs d'or et de pierres précieuses, et d'en haut de la tour, elle commença à les jeter. En les jetant, elle criait « Sois maudit, toi, fils de roi, qui m'as ravi ma petite Alba pour la rendre malheureuse. Pourquoi n'es-tu pas resté avec elle? Tu es venu conduit par ta passion pour les richesses. Tiens, prends-les, satisfais ta passion. Tu as de l'or et les pierres. Regarde, regarde, tu as mes trésors. » Les pierres et les morceaux d'or, en tombant, se transformaient en flocons de neige et en morceaux de glace. Bientôt, le tourbillon fut si aveuglant, le chasse-neige si terrible, que les voyageurs ne purent plus reconnaître le chemin et tombèrent dans les précipices aveuglés par la neige. Le roi, resté seul, fou de rage, avançait vers la demeure de la sorcière. Baba Kwaya fut heureuse en le voyant si près, car elle pensait que bientôt Alba viendra le chercher et qu'elle ne trouvera que son cadavre. Aveuglée par la neige, Mircea ne pouvait plus avancer. La glace était étendue partout et la neige atteignait sa ceinture. Il tomba et bientôt il en fut recouvert. Quand Alba se réveilla et ne vit pas son mari, elle sut où le trouver et, sans rien dire à personne, s'enfuit du palais. Elle commença à gravir la montagne. Accablée par la fatigue, les pieds meurtris, elle avançait en pleurant. « Où est-il? Où est-il ?» La vieille dame qui la guettait lui répondit « Ah, tu es ici, ma petite. Et tu ne t'inquiètes pas de ta mère, mais encore de lui, fille maudite. Eh bien, cherche-le, fille ingrate. Oui, il est ici, enseveli sous la neige, mort par sa cupidité. Il a voulu tes richesses, il les a eues. » Alba, en apprenant cela, poussa un cri terrible et tomba sur la neige. « Mère, mère, que m'as-tu fait ?» Bientôt, elle expira. Baba Kwaya, voyant Alba morte, fut prise de colère, et elle maudit de toute son âme les hommes qui étaient cause de la mort de sa fille. Mais son blasphème fut si terrible que le ciel gronda, la foudre tomba, et le château en pierre de la vieille fut détruit. Les hommes de la vallée ne découvrirent jamais le cadavre de leur roi, mais à l'endroit où Alba expira, ils trouvèrent une fleur blanche et veloutée que toute la population roumaine appelle depuis lors Floarea reginei, fleur de la reine, dans les autres langues Edelweiss, et qui ne pousse que sous la neige, près des précipices. Ils trouvèrent encore le fil d'or, Pétéala, et comme le secret du malheur qu'il apporte aux jeunes vierges était jamais mort avec Alba, les jeunes filles roumaines, nobles ou paysannes, riches ou pauvres, continuent à mettre sur leur tête le jour de leur mariage ce fil d'or. Elles se résignent plus au malheur dans le ménage qu'au veuvage. Dans les Carpates, en Roumanie, on voit encore les ruines de la forteresse de la vieille, que les Roumains appellent Cetatea Babei. Ainsi s'achève Le fil d'or, légende roumaine, par Carmen Silva.